Je propose vraiment que vous preniez la parole maintenant dans la salle et que l'on tente peut-être avec nos invités d'essayer de revenir sur cette question de la spécificité de l'action vidéo. Là encore, il ne s'agit pas du tout d'essentialiser un support, on en est bien d'accord. En même temps, il y a des potentialités qui ont pu être ponctuellement, pas nécessairement par tout le monde, par tous les praticiens et praticiennes de la vidéo, mais investies. Et c'est en l'occurrence le cas de Carole Roussopoulos, puisque c'était utilisé dans son immédiateté, c'est-à-dire la bande à peine réalisée était montée en fait très rapidement à Paris, ou pas, puisque tu n'as pas... tu l'as dit, mais brièvement, mais effectivement, il y a aussi des bandes qui étaient tournées et remontées vraiment... remontrer, sans aucun montage immédiatement, mais sur lesquels finalement on réenregistrait immédiatement les archives que tu as pu, les documents que tu as pu tourner des AG, etc. Il y en a somme toute très peu qui étaient conservés. C'était pas la même démarche que Carole qui montait un film. J'en ai un peu parlé en disant qu'il y avait deux types de bandes. Ouais, enfin, moi, comme j'ai été sur place, c'est vrai que je filmais toutes les réunions ou encore une fois les assemblées générales, par exemple, auxquelles on ne pouvait pas assister certains ouvriers, et je le rediffusais ultérieurement. Mais ça, c'est vrai que on était dans l'éphémère. On faisait pas de conservation, d'archivage, forcément, des bandes. Enfin, en tout cas, c'était pas systématique. C'était pas l'objectif, hein. Non, c'était pas l'objectif. D'ailleurs, l'archivage n'était, enfin, on l'a vu, n'était l'objectif derrière aucune vidéo produite. Simplement, certaines étaient destinées à durer parce qu'elles devaient circuler pendant un certain temps, alors que celle-là était d'usage immédiat et destinée à... Celles qui restent sont celles qui ont eu une certaine carrière et une certaine diffusion. Question. Je pense que vous effaciez simplement les bandes. C'est ce que je viens de dire, oui, on repassait dessus. Ah, oui, mais il y avait l'archivage. Ils n'ont même pas, à mon avis, réutilisé. Si, parce qu'on pouvait les réutiliser. Si, jusqu'à 3-4 fois, on les utilisait. On les réutilisait 2-3 fois. Ah, ouais, je crois. Moi, je suis un peu gêné parce que j'aimerais bien entamer le débat avec Dominique Dubosc, qui n'est pas là. Oui. J'aurais profité de. Son absence pour parler d'autre chose. Je pense qu'on fera dans le colloque, puisqu'il y aura un colloque, et je pense que pour le dire simplement, je pense que les arguments que Dominique a donnés sur son utilisation de la pellicule par rapport à la vidéo, et très bizarrement, toi Dominique, t'étais là. En même temps que lui filmait... Oui, mais moi, j'ai aussi participé à ces films, mais c'était concomitant. Hein. Oui, mais c'est bizarrement, il y a bien deux pratiques d'image et de fabrication d'image, et ça serait très intéressant d'aller plus au fond. Par exemple, c'est intéressant de voir que lui se met toujours dans le haut et dans l'extériorité par rapport à sa pratique personnelle. Hein, c'est-à-dire que c'est pas lui qui filmait, c'est pas lui qui faisait le scénario, mais c'était quand même lui qui faisait le scénario, etc. Espèce de remise en retrait, alors que par exemple, toi quand tu abordes ton travail pendant un an, c'est toi. Ah bah oui. Je pense que là, il y a quelque chose à aller creuser d'une manière assez profonde. La question que je voudrais poser aux gens qui sont là, et singulièrement à notre historien qui nous a parfaitement retracé tout, c'est en quoi les images qui ont été tournées, que ce soit en film, que ce soit en vidéo, servent le travail de l'historien. C'est une belle question. C'est pas courant que les historiens en général ne s'emparent pas de qui ou du film. C'est ça le sous-texte de ma question. C'est une source de plus en plus utilisée par les historiens, et pas seulement par les historiens du cinéma. Et lorsqu'on est face à ce type de documents, on est vraiment fasciné. On travaille beaucoup sur les papiers, les archives écrites classiques ou les entretiens avec les personnes qui sont encore des témoins qui ont été des acteurs. Mais ce type de document, c'est absolument irremplaçable. J'avais commencé un certain temps à aborder par un autre biais totalement différent cette question de l'IP autour du regard de l'État, du politique, etc. sur l'IP. Mais la plongée dans les acteurs, tels qu'on les voit, tels qu'on les sent, l'atmosphère des assemblées générales, le dialogue entre Giraud et Piaget, voir des femmes tricoter c'est un plus qu'on trouvera jamais dans des papiers pour restituer des atmosphères, un regard. Enfin, je sais pas, vous êtes pour la plupart des spécialistes de l'image, mais c'est quelque chose d'extraordinaire et d'irremplaçable. En tout cas, pour l'historien, c'est un plus énorme. Et on a cette chance, pour l'histoire contemporaine, d'avoir ce type de document. Et on est tout triste d'entendre qu'on a effacé des documents. Madame, vous aviez... Oui, je vous... Non, vous aviez une question? Oui. Oui, je dis madame. Moi aussi, je trouve dommage que Dominique Dubosc parce que je rejoins assez ce qu'a dit monsieur. Parce que lui, la façon dont il présente sa position vis-à-vis de la vidéo comme une image immédiate et qu'il rejette, j'avais envie de lui poser la question, est-ce que le fait qu'il n'aime pas la vidéo, c'est parce que, étant une image immédiate, il n'arrive pas à la contrôler? Parce que moi, quand j'entends parler, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui apprécie justement... il aime déjà beaucoup le discours contrôlé, logique. Donc j'avais envie de lui poser cette question. Mais c'est pas un hasard si les gens ont fait ce type de document aussi, ont participé à ce type de document. Comme vous dites, c'est pas un hasard si Dominique il a participé à ce premier film, c'est pas un hasard si les Rossopoulos sont travaillés comme ça ou d'autres ont travaillé oui, comme mais ça. Particulièrement, par la personnalité qu'on a. À lui, en tant que réalisateur, j'avais envie surtout de lui poser la question, parce que moi, quand je vous entends parler Dominique Barbier et Anne-Marie Martin, vous aviez l'air de plus supporter la vidéo. Alors bizarrement, je ne sais pas, est-ce que parce que vous étiez des femmes et que c'était un instrument, je ne sais pas, vous faites la moue, mais je ne sais pas. Vous aviez l'air plus persuadé de cet instrument-là, de l'utilisation de cet instrument-là, que Dominique Dubosc. On ne vient pas du même endroit au niveau du cinéma. Bah, moi, je crois que c'est un peu ça. Hein. Enfin, je complète ce que dit Anne-Marie, parce que personnellement, comme je l'ai dit tout au début, je venais du long métrage. Et j'ai passé un an à Besançon à faire surtout de la vidéo. Et quand je suis revenue dans le long métrage, en fait, ça n'a pas duré très longtemps, parce qu'on m'a dit ce que tu as fait, c'est vraiment pas professionnel. Donc je crois qu'il faut savoir aussi que le cinéma, c'est quand même quelque chose d'assez hiérarchisé, même si c'était, on va dire. Ça l'est toujours encore un peu. Et donc il y a une méfiance vis-à-vis des nouveaux outils. Donc je pense qu'il y a un clivage, enfin, il y a une ligne de partage aussi par rapport à ça, me semble-t-il. Et tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, parce que par exemple, Chris Marker, à Sochaux, il avait créé les groupes Medvedkin, où il donnait la caméra aux ouvriers. Donc je pense qu'à un moment donné, il y a une question de posture, en fait, quand on est cinéaste, quoi. Est-ce qu'on est d'accord pour partager, ou est-ce qu'on garde sa posture de cinéaste retranché derrière sa caméra professionnelle? Parce que dans ces cas-là, enfin, vous voyez, il y a déjà l'outil qui fait qu'on peut moins partager, parce que c'est compliqué à utiliser, quoi. Il y a un grand exemple de vidéo insérée, puisque c'est le terme de Dominique Dubosc, qui date de 1950, à l'époque où la vidéo n'existait pas, qui est l'histoire de René Routier, homme est mort, sur les piquets de grève de Brest. Ouais. Donc c'est pas forcément une position liée à la technologie. Lui utilisait du 16 inversible, et on peut très bien, avec du cinéma, faire ce que que d'autres ont fait avec la vidéo plus tard. C'est ce que j'ai dit par rapport à Chris Marker, ouais. Pierre-Olivier. Ouais. Mathieu, Laurette. Oui, justement, je voulais juste ajouter une chose, c'est que là, dans les images qu'on vient de voir de Monique, du premier entretien, elles existent dans deux versions. Hein, et ce qu'on est en train de dire, elle-même décrypte le fait qu'il y a un montage qui est fait par les médias et qu'en général, la parole n'est pas relayée dans sa totalité, voire on leur fait dire le contraire. Mais ce que vous dites à propos de Chris Marker et aussi du partage justement des images, cette même interview existe donc dans deux versions. La première que l'on vient de voir, donc, non montée entre guillemets, quasiment in extenso dans la version de Carole et Paul Roussopoulos, et également dans la version de Puisqu'on vous dit que c'est possible, où les différents rushs collectés de différentes manières et confiés à Chris Marker sont montés. Et donc cet entretien-là existe coupé en quelques extraits à l'intérieur du film aussi. Absolument. Ou la question des femmes qui émergent déjà là, c'est une conscience pré-féministe finalement que l'on voit émerger à l'écran, n'est pas relayée. On la voit d'une manière. Quasiment pas relayée. Mais parce qu'il me semble que, en tout cas, il ne s'agit pas, là encore, d'essentialiser un support, il n'y a pas de déterminisme technologique, je pense que là-dessus on est tous et toutes d'accord, mais ce que l'on peut constater, il me semble que les séances prochaines, et notamment avec la séance autour des questions féministes, ça va le réappuyer, c'est que dans les productions vidéo, il y a quand même une attitude idéologique d'ouverture très claire, avec un intérêt fort marqué pour la question du vécu des luttes et des oppressions. Et là, je citerai Anne-Marie Duguay dans son ouvrage Vidéo La Mémoire au Point. Elle y repère une tendance générale à refuser les abstractions théoriques, les discours globalisants qu'on peut retrouver en revanche, ça c'est moi qui l'ajoute, du côté d'un certain nombre du moins de productions argentiques. Et elle explique que la vidéo a contribué abondamment à cette saisie concrète, immédiate, des phénomènes, des gens, et à une objectivation du subjectif. Et c'est là où la question qu'on n'a pas finalement abordée trop ici, mais qui reviendra forcément, la question de la relation entre filmant aussi et filmé se pose tout à fait différemment. Il y a dans les bandes vidéo sur lesquelles on travaille une volonté aussi de recueillir une parole où les gens s'expriment en leur nom propre et pas au nom donc d'abstraction théorique ou de discours idéologique préconçu. Je pense que la séance d'aujourd'hui, même si il faudra qu'on y repense, mais il me semble que la séance d'aujourd'hui finalement en creux en a témoigné. Ce que je voulais dire, c'est que Dominique dit tout à fait que c'est une commande. Donc il y a un commanditaire, c'est Lib et les Cahiers de Mai. Je veux dire, c'était quand même une pression importante pour les gens qui travaillent dans l'image de se sortir de ce rouleau compresseur idéologique. Donc c'est ça que je pense au film de Christian Rouault, je veux dire, cette permissivité qu'il a eue, cette relation avec chacun. Je veux dire, nous, quand on a commencé... En 1974, la première bande libre formation. Donc nous, on devait être les serviteurs un peu de... Voilà, filmer les réunions, etc., etc., comme tu faisais un peu à Libre. Libre formation, c'était les résultats de Dole, etc., etc. Donc c'était hyper cadré, tout le monde était autour de la table, et paf, paf, paf, paf. Donc c'était une parole déjà vachement contrôlée, quoi, je veux dire. Et c'est vrai que nous, on n'a pas résisté longtemps, puisqu'on est parti avec les femmes, subissant nous-mêmes une domination importante, sociale. Donc je veux dire, là, il y a eu un... quelque chose, enfin je ne sais pas comment tu as ressenti cette histoire avec l'image et ce parcours moi, des cahiers. Je voulais rajouter quelque chose par rapport à Vidéo 16, parce que pour moi c'est deux supports, c'est quand même il y a quelques années, donc la vidéo n'est pas au stade d'aujourd'hui, c'est-à-dire la caméra, ce n'est pas les petites caméras, hein, c'était des caméras qui étaient un peu lourdes. Au niveau résolution de l'image, le 16 était quand même encore supérieur, et au niveau coût, c'était beaucoup plus faible. Et au niveau diffusion, nous, on était jeunes, hein, on avait des petites voitures, on partait avec nos écrans de télé, et c'est tout. Il n'y avait pas de vidéoprojecteur, aussi le vidéoprojecteur, c'était des masters d'ondes. Donc ça offrait aussi des possibilités de diffusion qui n'étaient pas du tout possibles avec le 16. Et je pense que ça a ouvert beaucoup de choses à cause de ça. Oui, mais en fait, moi, ce qui m'explique sa position, parce que le connaissant pas, différencier assez bien les deux moyens, celui de mettre la vidéo. Il donnait plus l'impression de rejeter la vidéo. Plus parce que c'était. Comment dire? Peut-être que c'était un. Parce que c'était parce que la vidéo pouvait introduire, par son immédiateté, des discours irraisonnés. Il disait, on balance des images dans une assemblée. Spontex. Voilà. C'est trop spontex, en fait. Donc, c'est ça. Incontrôlable. Cahier de messe, c'est l'inverse du spontanéisme. On peut dire vraiment tranquillement ce qu'on fait. Les cahiers de messe ont toujours été, à l'époque, les gens les plus tristes de la Terre. Quoi. C'est pas vrai! Non, c'est vachement marré! Alors, il y a un ordre. Catherine, voilà, Catherine a vu, vous êtes trois à vouloir prendre la parole, donc c'est pas rentrant. On a un droit de réponse? Il y a les cahiers de mecs qui répondent. Je ne suis pas du tout son interprète, c'est pas ça. Mais je pense que c'était intéressant comment il a défini la première période, parce que c'est pas différent dans le cinéma de ce que faisaient par ailleurs les cahiers de mecs. C'est-à-dire que... la volonté était d'être des outils au service de l'expression des travailleurs. Donc, que ça soit par le cinéma ou que ça soit par l'impunité, ou pour faire des synthèses, ou pour faire... et que ça a permis aussi, ça a donné... là, quand on regarde les documents, c'est extraordinaire. Par exemple, avant les assemblées générales, il y avait un tract bien rédigé qui disait l'ensemble des informations que les gens devraient lire pour pouvoir en discuter. Les discussions, des négociations avec Giraud, elles ont été intégralement retranscrites et diffusées à tout le monde. Donc, parce qu'il faut quand même savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas du tout les instruments pour faire ça. Comme maintenant, on ne risquait pas d'avoir un téléphone portable et de le balancer. Donc, je pense que, du coup, c'est intéressant quand il dit que c'est intégré, c'est-à-dire dans le sens où ce n'est pas son œuvre propre. Il était là pour se faire l'écho de ce film qui, quand même, après, a été diffusé de manière extraordinaire. L'impunité, ça a été tiré à 8000 exemplaires. Imaginez ce que ça veut dire aussi en termes de diffusion sur toute la France et tout ça. Donc, c'est dans ce sens-là, plus qu'une opposition, je pense, à ce moment-là, je dis bien, vidéo et... parce que, par ailleurs, la vidéo n'a fait que conforter l'idée qu'il faut donner la parole aux intéressés. Et c'était, quoi qu'on dise des cahiers de maître, c'était bien ça qu'ils voulaient faire aussi. Contradiction, hein. Oui. Deux prises de parole, je crois qu'apparemment, c'est Yann d'abord. Je vais juste dire quelque chose, je ne vais pas non plus parler à la place de Dominique Dubos, parce que je ne connais pas non plus, mais ce que j'ai l'impression qui est assez sensible dans ce qu'il a dit, c'est que dans lequel moi je pourrais me retrouver dans les pratiques politiques que j'ai pu avoir, c'est l'impression d'être tenu par le collectif. Quand il est arrivé, quand on lui a dit comment vous êtes retrouvé là, et je me suis retrouvé là parce que j'étais au cahier de mail. Cahier de mail, ils ont été appelés, ils ont décidé d'y aller. Et je pense qu'il y a une autre grille de lecture pour moi entre le subjectif et le rationnel contrôlé. Il y a l'individuel ou le collectif. Et effectivement, je pense que des formats comme le 16 mm, etc., nécessairement, il y a un temps, il y a de l'élaboration. À un autre moment, il a parlé. Si je ne dis pas de bêtises, le mot qu'il a employé, c'est les mécanismes de délibération. Et moi, je dirais, oui, les processus d'élaboration, et en premier lieu collectif. Et le reproche qu'il faisait à un certain usage de la vidéo, c'est qu'il court-circuitait ces mécanismes-là et ces processus collectifs. Et que quelque part, des formes, comme il a dit, qualifiées sauvages de prise de parole, c'est aussi des formes de prise de pouvoir. Non, ce qui c'est la poésie. Alors, cela dit, il y a un brouillage, et on en parlera dans 15 jours, il y a un brouillage qui va s'opérer aussi avec l'émergence des mouvements féministes, et puis ce principe, évidemment, qui est à ce moment-là introduit et qui fissure le militantisme tel qu'il s'est constitué jusqu'à présent, c'est-à-dire le personnel et collectif. Et là, ça brouille les pistes. Et là, je pense que ça doit être recroisé à cette question. Je pense que c'était clair, d'ailleurs, et avec Dominique Barbier et avec Anne-Marie, ça doit être recroiser avec ces enjeux féministes pour l'exemple en l'occurrence de l'IP. Mais il y avait Oui, il y avait madame qui voulait voilà, parler depuis tout à l'heure. Moi, dans les films de Roussopoulos, ce qui m'intéresse moins, c'est le côté spontané, même si j'adore, mais c'est plus la possibilité de la réflexivité. Et dans ce sens-là, la réflexivité n'est pas tellement... elle n'est pas accessible que par ce support. Elle est peut-être facilitée, mais elle n'est pas accessible que par le support vidéo, puisqu'en fait, dans Chronique d'un été, pour reprendre le film de Roussier Morin, en fait, il y a précisément cette idée qu'avec du 16, à l'époque c'était avec le 16, mais c'était avec un dispositif de pellicule, on pouvait aussi aller vers cette idée de réflexivité, parce que c'est ça qu'on voulait. Moi, ce qui m'intéresse, y compris dans la démarche de vie, que ça, je pense qu'elle m'arrive de dire à bien aussi, c'était la possibilité d'intégrer dans le film même, dans son montage, la possibilité même de montrer que le cinéma était en train de se faire, et donc il était en train de se mettre en abîme lui-même. Moi, je veux dire qu'aussi, à mon avis, un des éléments importants à l'époque était de sortir de la parole officielle du syndicalisme. C'est-à-dire que dans tous ces mouvements d'extrême-gauche, on voulait aussi... parce que les syndicalistes avaient la propriété de la parole publique dans le cadre des luttes. Et donc, la vidéo faisait émerger une parole alternative et on nous permettait de ne plus la... Je veux dire, c'était d'ailleurs un des projets des Cahiers de Mai. Sauf que chez les Cahiers de Mai, c'était assez soft, c'est-à-dire c'était dans le cadre d'une tentative d'élaboration collective et d'unité. Voilà. Et c'était toujours plus ou moins quand même dans le cadre des revendications. Justement, tout à l'heure, moi, quand j'ai dit une des leçons de mai 68, c'est de dire l'intime et politique, c'est-à-dire il y a des choses qu'on filmait en vidéo, peut-être justement parce que c'était plus facile, qui étaient, enfin ce que dit Dubosc, c'est dommage que je n'ai pas été là, lui répondre, qu'il y avait une parole qui n'était pas prévue, qui était beaucoup moins cadrée, et finalement avec le recul on s'aperçoit presque que c'est ces paroles qui sont les plus intéressantes, et nous souvent on trouve, enfin au Cahier de Mai effectivement on était très unitaire, mais il y a des choses personnelles qu'on ne voulait pas filmer parce qu'on trouvait que ce n'était pas au service de la lutte et que c'était un peu secondaire, même à l'époque, enfin j'en ai un peu parlé au début, les revendications féministes et autres, bon enfin c'était pas encore très formulé, mais c'était pas ça le plus important. Et moi ce que je trouve super intéressant, entre autres avec Carole et Paul, parce qu'ils ont eu cette intelligence là, c'est d'avoir filmé des choses qui étaient un peu en marge quoi en fait, et aujourd'hui on s'aperçoit que c'était super important. Je donne un autre exemple, moi j'ai monté récemment, enfin il n'y a pas très longtemps, un film sur l'histoire de l'homosexualité. Bon, ils ont filmé le phare, à l'époque, nous, ça nous faisait bien rigoler, le Front homosexuel d'Action révolutionnaire, avec les gasolines en fin de manif, etc. Et c'est vrai que nous, les militants, il n'était pas question qu'on s'intéresse au phare, quoi. Donc moi, ce que je trouve vachement bien, c'est qu'il y a un côté subversif aussi, en définitive, enfin, ça rejoint un peu ce que tu dis, en dehors des syndicats, et même, je dirais, de la parole unitaire voulue par les cahiers, quelque chose de beaucoup plus large qui concerne la vie quotidienne, qui concerne tout simplement la vie des gens et qui fait aussi partie des acquis de la lutte. Oui. Chez les Mao, c'est un peu différent puisque il y avait des courses de vitesse en fait entre les syndicalistes et les objets vidéo pour faire circuler d'un piquet de grève à l'autre. Ah oui. Voilà, à la grève de Caterpillar en début 73, on filmait sur un piquet de grève, on courait avec le matériel pour le montrer de l'autre côté, pour que ce ne soit pas la parole syndicale qui soit la seule à expliquer ce qui se passe d'un côté à l'autre, mais qui est une alternative à une parole institutionnelle. Ouais, complètement, là, on est tout à fait d'accord. L'enjeu, c'est qu'on est autour de la question du pouvoir de l'image. Moi, je crois que la vidéo introduit, par tous ces éléments, en fait, quand même constitutifs, des possibilités de durée. Donc, quand vous parlez de la parole intime, le fait qu'on laisse les bandes fait que les gens peuvent parler d'abord des choses importantes, puis, comme on dit, du secondaire, ouais, vous dites, ben c'est ça, le principal, mais on avait au moins cette durée, que du fait de l'argent, quand même, on peut plus diffuser les choses, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une caméra détenue par un professionnel qui a la technique, ça se diffuse, et puis moi je crois qu'il y a une chose importante sur le collectif, qui est la question de la formation et de l'auto-formation, c'est-à-dire que la vidéo permet très vite d'apprendre à quelqu'un qui n'y connaît rien de filmer. Et ça, c'est une chose qui, évidemment, se pose au cinéma où, quand même, s'emparer d'une caméra 16 ou d'une table de montage 16, c'est absolument pas évident. Alors que la vidéo... Donc on est sur l'image du pouvoir et le pouvoir des images. C'est ça, je crois, qui va se jouer à un moment et qui se joue peut-être sur l'île. C'est pour ça que ça, c'est un moment bascule. C'est que les gens s'emparent de ce pouvoir des images qui était avant possédé par des syndicalistes, par des spécialistes, un peu par des professionnels, et que tout le monde après peut avoir du pouvoir sur l'image, sur la sienne. L'histoire de Monique, je trouve, c'est, elle prend du pouvoir sur sa propre image. Un collectif peut prendre du pouvoir pour le transmettre. Donc, et c'est à ce moment-là, j'ai l'impression qu'on découvre ça. C'est-à-dire que cette force-là, les images sont possédées par des gens et on va quasiment prendre ce pouvoir-là à ce moment-là. Et après, dans cette suite-là, je pense que toute l'histoire de la vidéo se déroule. Moi, juste, je voudrais demander, c'est qu'est-ce qui, pour un historien, vous fascine dans la vidéo ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui est, si vous pouviez le préciser, par rapport à ce que vous voyez avant de l'histoire ? Enfin, je ne sais pas si on peut poser cette question-là comme ça. C'est-à-dire, dans l'histoire papier ou même dans l'histoire cinéma, je pense qu'il y a des choses qu'on voit. Qu'est-ce qui se voit en plus et qui est fascinant quand vous voyez, justement, ces documents-là qu'on a vus tout à l'heure ? Je crois que c'est... Plusieurs choses ont été dites avec laquelle on ne peut être que d'accord. Cette facilité, à faire exprimer et à laisser s'exprimer des personnes qu'on, de toute manière, on n'entendrait pas, on ne verrait pas, qui n'auraient pas laissé de traces. Donc il y a toute une partie du réel qui finalement nous est, alors, par des biais bien sûr, mais nous est accessible. Je crois que on a là une source extraordinaire. Et ça nous permet aussi de poser toutes ces questions qui ont été là avancées autour des basculements de l'approche, celle d'abord, disons, du mouvement ouvrier, de la question de l'institutionnalisation de la parole, de la hiérarchie, et un moment où tout ça est en train de se fissurer, où on passe du front principal au front secondaire, comme on dit pas, et cet éclatement, et tout ça peut se sentir, et presque, en tout cas pour les historiens, se dater avec beaucoup plus de précision, peut-être, que dans un certain nombre de documents qui enregistrent avec retard, je pense. Moi, j'apporte quand même un bémol à ça, c'est que si vous n'assistez pas au séminaire et à la discussion qu'on a entre Dominique Dubosc et Dominique Barbier sur son approche et leurs approches de la vidéo et de l'image, c'est-à-dire qu'en gros, vous avez besoin, pour pouvoir utiliser d'un point de vue historique les images de son contexte de fabrication, ce qui est beaucoup plus difficile, je crois, à mon avis, d'obtenir et d'avoir que dans le cadre de l'écriture, parce que je pense que l'écriture est, on a plus l'habitude de décrypter l'écriture de quelqu'un que les images de quelqu'un ou les images d'un collectif. C'est-à-dire que, par exemple, on peut pas comprendre ce qu'on vient de voir, si, enfin, d'un point de vue historique, à mon avis, si on vient pas d'assister au séminaire auquel on vient. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais bon, il y a un filtre. On en a un séminaire libre. Il y a un filtre technique qui est évident et qui rend la chose plus difficile, mais en même temps, par rapport aux productions type cahier de mai, si on se retrouve avec les textes cahier de mai ou l'impunité simplement sans avoir une idée de la manière dont ça a pu être fabriqué, on est tout aussi désemparé. Donc voilà, je crois qu'il faut toujours essayer de comprendre les conditions de production des sources. Nous allons hélas devoir conclure. Donc nous vous rappelons que la prochaine séance aura lieu donc dans 15 jours, c'est ça, hein, je ne me trompe pas, c'est très rapproché, le 22 avril. Elle portera sur les usages de la vidéo dans les luttes féministes. Et je lance solennellement tout de suite une invitation. J'aimerais beaucoup que Dominique Barbier et Josiane Jouet puisse à cette occasion évoquer à notre santé le 22 avril, si vous êtes disponibles toutes les deux. Avec Nadia Ringard sera là, d'autres personnes seront là, mais Nadia ne pouvait pas être là ce soir, donc je lance tout de suite l'invitation à deux personnes présentes aujourd'hui. Ce sera une occasion de présenter le projet Histoire, Mémoire et Bobine Féministe, du moins de l'évoquer, lancé en partenariat aussi avec la BNF. Et puis, Catherine, peut-être quelques mots sur le carnet de recherche sur lequel vous pouvez déjà trouver beaucoup de choses et qu'on va pour de bon, enfin très bientôt, qu'on va pour de bon nourrir et dans lequel on place énormément nous-mêmes d'espoir face à nos frustrations de ces séances trop courtes, voilà, que l'on n'arrive pas nécessairement à mener jusqu'au bout de leur... prévision. Oui, donc le carnet de recherche est encore et toujours en construction, mais en attendant, ceux d'entre vous qui ont besoin et l'envie de réécouter les séances, vous pouvez d'ores et déjà le faire sur le site archive.org, tout simplement en tapant vidéo des premiers temps. Archive, archive. Je vous propose que nous vous envoyions un lien par mail, et j'ajouterai une chose quand même très importante, excusez-moi, que j'ai oublié évidemment de souligner à nouveau, c'est que un colloque effectivement va s'organiser en novembre autour donc de cette question image de l'IP, création en lutte. Aujourd'hui c'était vraiment qu'une séance de préparation, et beaucoup d'entre vous qui étiez présents aujourd'hui et qui n'étaient pas nécessairement invités à proprement parler de cette séance, nous aimerions vous y retrouver. Donc on va en rediscuter, on reste comme d'habitude en contact, et on vous dit, on espère en tout cas pour la plupart d'entre vous, à dans 15 jours.